Exercice 5, page 41. 1. On n'y va pas. Transformer. On n'y va pas. B. On n'y retourne pas. Transformer. On n'y retourne pas. C. Il n'est pas heureux. Transformer. Il n'est pas heureux. D. Il rentre demain. Transformer. Il rentre demain. E. Elle n'a pas terminé. Transformer. Elle n'a pas terminé. F. Elle finit en janvier. Transformer. Elle finit en janvier.